monsieur. Un déhanché de dingue qui laisse les négros sans voix. Gucci Gucci bag, Louis Louis reg. Instagram son boulon de minutes plus de 100 j'aime. Toutes les meufs de Twitter veulent les mêmes rondeurs Tu portes un costard, elle te taillera en pièces. Ne prends pas mal si elle claque ton oseille comme ça. La dérange pas si elle est hôtel avec ça. Elle parle de blé à n'importe quelle heure. Voiture allemande pour la conduire, c'est la meilleure. Devise dans les poches, donc elle pointe son nez à 7 heures. Baby, cherche la money, mais se fera prendre. J'ai payé le jeu, qu'est-ce que tu fais avec moi? Je fais le serre. Le genre de femme qui aime les billets, hein. Billets rouges, poisson mot, c'est ce qu'elle aime toucher, hein. GTM, j'aime ta money, c'est gris, hein. LOL, smiley face. Plaisante, hein. Charlie me plaque pas, ça marche pas. Ne raconte pas tes salades, ça passe pas. Arrête ton blabla, j'encaisse pas. Quand tu cliques, aïe, claque, est-ce que tu sens? J'ai pas d'allumeuse, on les éteint à petit feu. Déclarer ma flamme, cassette qui brillera de mille feux. T'es rien à mes yeux, juste une escroque. Tu récoltes ce que tu sais, mais Charlie, ça sera pas du blé. C'est dommage, hein. J'ai grillé le jeu, que t'es de faire avec moi. Mais ça ne sert à rien. J'ai tiré tout mon jeu, arrête-moi. Secret. J'ai crié le jeu que c'est de faire avec moi.